ce n'est qu'un point de poésie. Dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau, que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile, dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson. Amis de la chanson française, et les autres aussi, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette 94.2 et vous êtes en compagnie de Daniel et Yves pour la technique pour cette émission de La Cerise sur le Canto. Un siècle et plus de chansons françaises et au passage, eh bien, on essaye de retrouver des œuvres magnifiques totalement oubliées et que l'on n'entend plus nulle part. Alors, un classement est établi par notre jury à chaque émission et classe les trois premières chansons proposées. Alors on attaque tout de suite avec le palmarès, classé troisième et médaille de bronze, Daniel Gérard, Butterfly. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur, tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma Butterfly. L'océan, c'est petit, tout petit, pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly, près de toi je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly, dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly, n'êtes pas encore bien réveillé, alors on va éviter d'y aller en sursaut. Hein. Se classe à la seconde place, donc médaille d'argent, Jacqueline Dulac, Lorsqu'on est heureux. Lorsqu'on est heureux, gens qui n'ont rien compris. Lorsqu'on est heureux, on devrait avoir pour unique envie, tout au long des jours, encore et toujours, de s'aimer d'amour, pour tout partager. Médaille d'or de l'émission, la première émission de la cerise sur le canto. Attention, battement de tambour, boum boum boum boum boum. Eh bien, c'est André Perron, La Grande Ours. As-tu vu la Grande Ours et son chariot d'étoiles qui roule sur la nuit sa charge de frissons? Connais-tu la joie du soleil qui étale l'argent de la cascade et l'or de la moisson? Connais-tu, mon ami, le miel du chèvrefeuille et la saveur des foins et l'odeur des sentiers? Vent de quelque part, le soir caresse et cueille. Après la pluie d'été, pour t'en faire un bouquet. As-tu remonté l'eau pour en trouver la source? Aux perles des rosées, as-tu taillé miroir? Et vu sur les rochers l'ombre de la Grande Ours s'enfuir devant le jour, complice du renard. Avec ses presque rien, je te ferai baptême. De ciel, de vent et d'eau, je te ferai présent. les oiseaux t'aimeront avant que tu les aimes. Et si tu tends la main, ils nicheront dedans. Quand tu auras passé la porte des étoiles, lumière éclairera peut-être ton chemin. Le vent de mon pays gonflera ta grand voile. Et la grande ours alors te prendra par la main. Le vent de mon pays gonflera ta grand voile. Et la grande ours alors te prendra par la main. Alors pour la petite histoire, sachez que la médaille en chocolat, qui est la chanson classée quatrième, était la chanson de Renaud, La Doudou. Alors effectivement, certains d'entre vous que j'ai rencontrés cette semaine m'ont dit « Mais je ne comprends pas que le jury n'est pas placé dans les trois premières. » Ben oui, il faudra vous en prendre au jury. Et puis à la limite, peut-être dans quelques temps, je ferai appel à vous pour faire partie du jury. Youpi ! Programmation de la cerise numéro 2 d'aujourd'hui. Eh bien, une chanson qui a popularisé Dalida en 1957, une chanson écrite par un compagnon de la chanson, qui en écrivait d'ailleurs beaucoup d'autres. Il s'agissait de Jean Broussol, Dalida Gondelier. Ça rappelle des souvenirs aux anciens, hein, Gondelier. Combien de fois l'a-t-on entendu ? Voilà, ben nous avons maintenant un chanteur, neveu de Ray Ventura. Il a vécu une grande histoire d'amour avec Brigitte Bardot. Et ce musicien a été également gratifié du titre de meilleur guitariste de jazz français. Vous l'avez ? Oui, ça y est, Sacha Distel, Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Scooby-Dooby-Ooh. La rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Pommes, pommes, poires, poires et des Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Scooby-Dooby-Ooh. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa, et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires, des Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Pommes, pommes, poires, poires, des Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Scooby-Dooby-Ooh. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Bon, que j'en ai tiré est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Pommes, pommes, poires, poires et des Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Avant la chanson de Sacha Distel, le mot de Scooby-Doo n'existait pas du tout. Hein. Alors, depuis, Scooby-Doo, c'est devenu, vous savez, cet objet constitué de fils plastiques tressés qui ont fait fureur dans les cours d'école depuis. Je ne sais pas s'il y en a toujours. En tout cas, si je pouvais en trouver un, je suis preneur et prêt à faire du troc. Alors, Scooby-Doo, ben, il faut dire que c'est également le nom d'une machine-outil qui est utilisée pour le travail des algues. Voilà maintenant une chanson à double sens. Vous savez que c'était une spécialité de Charles Trenet. Le jardin extraordinaire est inspiré par le jardin des Tuileries à Paris. C'était, je ne sais pas si c'est toujours le cas, un haut lieu de rencontres homosexuelles. Alors, allusion aux rencontres anonymes et nocturnes et qui s'en vont danser sur le gazon. Charles Trenet, le jardin extraordinaire. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère comme clients. Ils ont, monsieur le maire et sous-préfet. il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis enterré par hasard. Dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloués, il y avait un bal pour donner des primes verts. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut, toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette nous dit quelle distinction. Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et l'a dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les gens dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, extraordinaire, un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit d'imaginer. La cerise sur le canto, c'est un siècle et plus de chansons françaises, et cela, bien entendu, n'exclut pas les chansons actuelles, Maître Gims et Vianney la même. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey la même. Hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Hey, aïe, aïe, aïe. la même. T'es entrée dans ma vie pour ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. T'es entrée dans ma vie pour ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La prochaine chanteuse est née aux États-Unis en 1906. Elle deviendra néanmoins française lors de son mariage en 1937. Alors on l'a connue danseuse aux Folies Bergères, chanteuse de jazz, actrice symbole sexuel, résistante pendant la guerre et militante des droits civiques. Des grandes boucles d'oreilles, une ceinture de banane en guise de paréo, vous l'avez reconnu, Joséphine Baker a tout fait, ou presque. Joséphine Baker, j'ai deux amours. Ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. N'étaient pas encore séparés, les frérots de la Vega, le chant des sirènes. Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas.

La prochaine chanteuse prévue était, oui, native du Ghana. Et elle signe une des chansons phares des années 80. C'est Bibi, vous l'avez reconnu. Son nom s'écrit B-I-B-I ou B-I-B-I-E. Alors, certaines pochettes de disques ont la graphie B-I-B-I-B-I, d'autres B-I-B-I-E. Ça pourrait bien devenir des pochettes collector. Quoi qu'il en soit, Bibi, tout doucement. Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement. Son cœur dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement, fermer pour cause des sentiments différents. Tout simplement, fermer pour cause inventaire. Dans mon cœur, dans ma tête. Changer tout vraiment. Mais ce ne sont pas celles du temps qui passe, presque en silence quand on debut en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Oh, tout simplement, fermé pour cause des sentiments différents. Dans son cœur, dans sa tête. Changer tout vraiment. Si encore il m'attend. Sur la pointe du cœur, tourner la page. Tout simplement, choisir un nouveau livre d'images. Tout doucement, réapprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, pour cause des sentiments différents. Reviendrai peut-être dans un jour, un mois, un an. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend. Tout simplement, fermé pour cause des sentiments différents. Tout simplement, fermé pour cause infantaire. Dans son cœur, dans sa tête. De son vrai nom, Bruno Nicolini, il fut primé plusieurs fois aux Victoires de la Musique. Et là, aujourd'hui, il nous offre son cadeau de Noël. Cadeau de Noël, mais on n'est pas à Noël. Ben non, bien sûr, mais alors c'est un cadeau tellement encombrant qu'il faut quand même s'y prendre à l'avance. Et puis, je vais me permettre de faire une dédicace sur ce titre. Une dédicace pour Xavier, je sais qu'il écoute. Il se reconnaîtra, bien sûr. Et je sais aussi qu'il a quelques difficultés avec les chansons de Benabar. Alors, il faut que tu apprennes, mon gars. Bruxelles, Benabar. Je n'avais pas de cadeau pour t'offrir à Noël. J'en voulais un très beau. J'ai pensé à Bruxelles. Offrir une ville, c'est vaniteux. Je le reconnais, mais je m'en fous. Parce que c'est quand même mieux que de rien offrir du tout. Tu te serais contenté d'un cadeau, moi t'as pas l'œil. D'un livre ou d'un CD, d'une paire de boucles d'oreilles. Mais dans une bague ou un collier, je te mets au défi de faire rentrer sans les casser Saint-Josse et la gare du Midi. Alors Bruxelles, je te la donne, mais faut le dire à personne, ça menacerait la couronne. Et j'ai donné ma parole d'homme qui vaut ce qu'elle vaut. Il a fallu que le roi s'en mêle. Il disait à court d'arguments, c'est ma capitale, bordel. Et ce n'est pas un présent. J'ai dit, mon king, je vous arrête. Bruxelles est un joyau. Nous sommes en période de fête. C'est idéal comme cadeau. Il s'entêtait dans son refus. Je l'ai d'ailleurs trouvé têtu. Et il disait, c'est pas à toi. Et tu peux pas l'offrir comme ça. Bruxelles est au bruxellois. C'est entendu, j'ai dit au roi. Mais ils n'en sauront rien. Ce sera notre secret, mon cher souverain. Alors Bruxelles, je te la donne, mais faut le dire à personne, ça menacerait la couronne. Et j'ai donné ma parole d'homme qui vaut ce qu'elle vaut. Moi qui suis roturier, c'est mon seul titre de noblesse. Je voudrais négocier. Soyez cool, votre Altesse. Le roi qui est un gentleman a étudié la question. Comme c'est pour une dame, je vais te faire une proposition. Bien entendu, m'a-t-il dit, tout ça ne sort pas d'ici. Mais en échange, je veux Paris. En dessous de quoi je gagne pas ma vie. Sans hésiter, j'ai répondu, c'est d'accord, marché conclu. Avec vous, messire, faire des affaires, c'est un plaisir. Alors Bruxelles, je te la donne, mais faut le dire à personne, ça menacerait la couronne. Et j'ai donné ma parole d'homme qui vaut ce qu'elle vaut. Qui vaut ce qu'elle vaut. Alors Bruxelles, je te la donne, mais faut le dire à personne, ça menacerait la couronne. En 1966, Antoine Muraccioli est encore en centralien. Antoine, mais oui Antoine, allez, les cheveux longs, les chemises à fleurs, avant qu'il ne prenne son bateau pour faire des reportages touristiques. Bon alors, Antoine, dans une chanson, a mis des paroles provocatrices de hippie. Il propose d'enfermer Johnny Hallyday dans une cage au cirque Medrano. Et ce sera là le début de la rivalité entre les deux chanteurs, Antoine Les Élucubrations. Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Tornier qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue Yvette. Si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jury n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah! Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. À Nounours il a dit bonne nuit mon bonhomme, il est parti danser le Jerko Palladium. Oh yeah. Le juge a dit à Jules vous avez tué. Oui j'ai tué ma femme pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Oh yeah. Je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh yeah. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oh yeah. En 1966, Johnny Hallyday est en mal de tube. C'est vraiment le creux de la vague, mais le creux. On se demande d'ailleurs s'il va continuer. Il entend cette chanson, il est furax, furieux. D'abord parce qu'il est agressé et ensuite... Il faut bien le dire, on ne tire pas sur une ambulance. Alors, Johnny prépare sa riposte à Antoine, hein, Antoine qui veut le voir enfermé dans une cage, et lui lance un défi physique, soulignant qu'il est plus facile de dire que de le réaliser. Et figurez-vous que cette polémique va relancer la carrière de Johnny Hallyday, cheveux longs et des courtes, Johnny. Miss Kennedy aujourd'hui revenait, aussi Monsieur Gandhi soudain ressuscité, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde il suffit de chanter da da da da da da da da da da, et surtout avant tout d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro, je veux la liberté, assis sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé, si l'on contient de larmes et de sang évité, et bien sûr leurs cheveux n'était pas assez long. Écrire sur son blouson, la guerre doit s'arrêter. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, les bonzes du Vietnam n'y ont jamais pensé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est partir en fumée. Da da da da da da da da da da. Mais bien sûr leurs cheveux ne sont pas assez longs. Crier c'est une honte, des hommes meurent de faim, assis sur son derrière, avec les bras croisés. Est-ce la solution? Est-ce le bon moyen? En tout cas, les hindous devront s'en contenter. Avant de trouver lieu, leurs cheveux sont longs. Il suffisait pour se réaliser, tout en restant assis, avec les bras croisés. Je sais que dans une cage, je serai enfermé. Mais c'est une autre histoire que de m'y faire entrer. Car il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs. Fait-on pousser du blé? Faut-il un uniforme pour détester la guerre? Même pour être un homme, ne plus chanter l'amour. Faut-il mentir son pain et ne plus être fier? Faut-il pour être libre avoir les cheveux longs, longs, longs, longs, longs? Et voilà, il est temps de terminer cette émission. Et c'est notre néo-zélandais, Graham Allwright, qui va la conclure. Moi, j'aime bien les chanteurs étrangers quand ils prennent la précaution de chanter en français en France. Il faut que je m'en aille, Graham Allwright. Est loin de nos 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, et qu'à cela ne tienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le fer est bien rempli. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été, la première fois qu'on s'est saoulé. Tu m'as ramené à la maison en chantant, en marchant à reculons. Buvons encore une dernière fois l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile. Sur un navire, j'ai mis la voile. Connaître plus que l'étranger, sachant très bien où il allait. Buvons encore, une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je t'ai raconté mon mariage à la mairie. Petit village, je rigolais de mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom. Buvons encore, une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. Pour la fête de retrouvailles, ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années, et toi aussi, t'es marié, de trois enfants à faire manger. Mais j'en ai cinq, si ça peut te consoler. Buvons encore, buvons encore. Une dernière fois, l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté le retrouvail. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Buvons encore, une dernière fois, à l'amitié. La peine, mais il faut que je m'en aille. Ah oui, il faut que je m'en aille, c'est terminé. Mais auparavant, je voudrais remercier Yves pour la technique et puis vous dire que vous pourrez retrouver la cerise sur le canto dans 15 jours. Mais nous serons là également la semaine prochaine pour vous présenter cette nouvelle émission Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux sur Fadjet.